Hey yo, yeah yeah, girl, tease me. Je lui parle sur Snap, ouais, c'est grave mon délire. Et je vous assure que la mise coopère. Elle me dit j'attends que mon mec me délivre. Pour qu'on aille manger, pour qu'on aille boire un verre. Elle fait des séries, elle est pas amoureuse. Et elle doit pas faire sa vie sans lui. Elle vit une relation qui est douloureuse. Elle sait pas que son mec l'a détruit. Elle est célibataire, mais c'est lui qui occupe ses pensées. Dans mon cerveau, elle veut danser. Elle est pas seule et je sais qu'il occupe ses pensées. Elle m'a jamais menti. Elle avait son dos. Elle avait son dos. Elle avait son dos. Elle avait son dos. Ah, elle s'est foutue de moi. Ah, elle s'est foutue de moi. Elle avait son dos. Elle avait son dos. J'ai l'impression qu'elle veut s'amuser. Elle m'a dit qu'elle a son dos. C'est pas sur elle, moi que j'aurais misé. Si je vais en faire ma gauche, je sais que je suis pas pour moi. Tout ce qu'elle me dit, elle doit le dire à une foule. Je suis pas le seul, en vrai, je sais que je suis pas pour moi. Elle a du vice et son John, il sait même pas. Elle vit la célibataire, mais c'est lui qui occupe ses pensées. Dans mon cerveau, elle veut danser. Elle est pas seule et je sais qu'il occupe ses pensées. Et elle m'a jamais menti. Elle avait son dos. Elle avait son dos.